Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 14. Bonjour professeur Fon. Salut Mathieu. Aujourd'hui, Antoine n'est malheureusement pas avec nous, il a eu un empêchement, mais pour le remplacer, on a un invité comme on avait promis. C'est Paolo Ricci, donc un physicien. Salut Paolo. Salut Mathieu. Alors, on revient tout de suite vers toi, tu vas nous parler des plasmas. Ça va Oui. être super intéressant, mais juste avant, je crois que Alan, tu voulais nous dire deux, trois choses sur le sondage qu'on a mis sur le site. Ça va être extrêmement rapide. On a la chance d'avoir un invité de marque. On va pas l'embêter avec nos petites histoires internes. Donc juste pour dire que pour le moment, on a 29 votes pour le sondage. On propose de le faire durer une petite semaine supplémentaire. Donc allez-y encore si vous avez des préférences dans les sujets qui ont été donnés. Le concours est toujours ouvert d'ailleurs pour gagner le dernier ouvrage de Boris Cyrulnik. La semaine prochaine, on traite tout ça, c'est promis. Et puis d'ailleurs, petit scoop, les constantes fondamentales de l'univers se dégagent largement en tête. Qui va être un sujet pour Mathieu. Très bien, bah, au début de l'année, on va s'occuper de ça, non? Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc avec Paolo. Tu es avec nous, Paolo? Oui, je suis ici. Donc, je te présente juste 2 secondes. Tu es physicien, tu travailles à l'EPFL, donc à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Oui, D'accord? exactement, au centre de physique des plasmas. Au centre de physique de plasma. Alors, moi, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. On va un peu voir justement sur quoi tu travailles. Alors, bon, peut-être pour commencer, pour mettre un peu dans le contexte ce que c'est le plasma, Oui. juste donner une petite introduction que dit la Wikipédia. La Wikipédia dit que le terme plasma est aussi appelé quatrième état de la matière et il a été utilisé en physique pour la première fois par un physicien américain qui s'appelait Irving Langmuir. En Oui. 1928, et on appelle ça plasma par analogie avec le plasma sanguin auquel ce phénomène s'apparente visuellement. Alors, voilà pour la définition de la Wikipédia. Donc, quatrième état de la matière. Donc, on sait qu'il y a, on, tout le monde connaît les 3 états de la matière habituels, donc solide, liquide, gaz. Mais visiblement, le plasma serait un quatrième état qui viendrait à des très hautes températures, le gaz se transformer en plasma. Non, c'est un peu ça. Oui, exactement. Donc, si on va réchauffer un gaz à des températures très élevées, on peut parler de l'ordre des 10 000 degrés 10 000 degrés. Celsius, 10 000, Ouais. 10 000 degrés Celsius. On donne une énergie suffisante pour, on peut dire, pour arracher les électrons aux ions. Donc, aux Aux atomes. atomes. Donc, à la fin, on arrive à voir une sorte de soupe dans laquelle il y a des électrons et des ions qui sont des particules avec une charge électrique. Et ces particules sont sujets à forces électriques et magnétiques qui ne sont pas importantes dans la matière ordinaire. Donc, on va avoir un état de la matière qui suit des lois physiques qui sont très différentes de la matière ordinaire. D'accord. Et en fait, donc, quand un atome, quand on arrache un électron à un atome, l'atome, il se transforme en ce qu'on appelle un ion, c'est ça, non? Oui, exactement. Donc, les atomes sont neutres électriquement parce qu'il y a un noyau qui est chargé positivement, parce qu'il y a des protons dans un noyau. Et autour de ce noyau, il y a les électrons qui sont chargés négativement. Donc, à la fin, un atome est neutre. Mais si on va arracher un électron, on va avoir un ion qui est chargé Ah, on a une petite coupure. Ouais, effectivement. Je crois qu'on a perdu Paolo. Paolo, t'es là? Oui. Ah, d'accord. On a juste perdu la fin de ce que tu disais. Donc, que les atomes se transforment en ions quand on a arraché un électron, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on a des particules qui sont chargées électriquement. Les électrons, ils ont une charge négative, les ions ont une charge positive. D'accord. Et tout ça se mélange dans une sorte de soupe un peu visqueuse, non? Oui, Parce qu'en qui fait, a... bon, on reviendra peut-être plus tard, mais en fait, le plasma, visiblement, il remplit une grande partie de l'univers, de la matière de l'univers, en fait. Il y a beaucoup d'étoiles, à l'intérieur des étoiles, il y a du plasma, c'est ça? Oui, exactement. Peut-être sur la Terre, on a l'impression que le plasma n'est pas un état de la matière très commun, mais ce n'est pas vrai. C'est l'état le plus commun de la matière visible dans l'univers. Les étoiles sont des plasmas. Dans une étoile, il y a une énergie suffisante pour arracher les électrons, mais aussi la matière entre les étoiles et plasma aussi. Et la matière au dehors de l'atmosphère est plasma. Donc on dit que le 99% de la matière dans l'univers est à l'état de plasma. D'accord. Ah, donc nous, on est vraiment l'exception là, on est dans Oui. le pourcent qui n'est pas du plasma. Donc le soleil, c'est du plasma. Oui, soleil de plasma. Oui. Et en fait, j'avais vu un graphique qui montrait que à différents, en fait, le plasma, on peut l'avoir à différentes échelles, autant de température que de ce qu'on appelle de densité, c'est-à-dire de nombre de particules chargées par mètre cube. On peut avoir différents types de plasma en fonction du nombre de particules chargées de température, c'est ça? Oui, exactement, exactement. Parce que oui, bien sûr, le plasma dans une étoile est très différent que le plasma dans le vent solaire, par exemple. La densité est beaucoup différente, la température est Donc, il y a différents types de plasma finalement. différente de plasma. Et on a des plasmas sur la Terre qui sont très différents de plasmas dans le Soleil. Par exemple, les éclairs. Les éclairs sont un exemple naturel de plasma. Ou les aurores boréales. Mais ça se passe comment? C'est à cause de parce que là, on n'a pas vraiment des températures de 10 000 degrés, comme tu disais au départ. Pour transformer un gaz en plasma, il fallait chauffer à des très très hautes températures. Mais là, dans le cadre d'un éclair ou d'une aurore boréale, on a aussi ces températures Oui, aussi et fortes, ouais? les électrons ont une température si forte. Ah ouais? Oui, donc oui, c'est difficile. Peut-être dans notre perception, la température est toujours liée au flux de la chaleur. Ouais. Mais avec des densités qui sont très bas. Par exemple, des densités de plasma qui sont très bas dans, je ne sais pas, dans une éclair. Donc, la température et le flux sont deux choses qui sont très différentes. Donc, on peut toucher une chose qui a une température très élevée, mais le flux de la chaleur est très bas. Et donc, on sent pas les champs. Ah d'accord, ouais. Ah ouais, ça c'est étonnant. Mais en fait, dans un éclair, le plasma, c'est ce rayon lumineux qu'on voit ou bien? C'est ça le plasma dans l'éclair ou c'est... Oui, c'est les choses lumineuses qu'on voit parce que quand on arrache un électron ou quand il y a une recombination des ions et des électrons, de la lumière est émise. Ouais. Et donc, c'est la chose qu'on voit. D'accord. D'accord, donc ça fait partie du processus de transformation du gaz en plasma, en fait, Oui, la exactement. production de la lumière. Ok. Oui, exactement. D'accord. Dans une flamme de bougie, c'est également un plasma? Oui, il y a un plasma. C'est un plasma un peu particulier parce que il y a beaucoup de neutres. Donc, je veux dire, ce n'est pas seulement des ions, des électrons, il y a beaucoup des atomes dans une flamme, mais on peut parler de plasma aussi dans ces contextes. D'accord, c'est un plasma qui n'est pas aussi abouti Oui, que le plasma exactement. du Soleil, c'est ça? Le processus de Exactement. transformation n'est pas Oui, terminé. exactement. Donc on voit qu'il y a d'une part des plasmas à l'état naturel, comme les étoiles, on a dit les éclairs, les flammes, les aurores boréales. Les aurores Oui. boréales, comment ça marche exactement? Ça, tu arriverais à nous expliquer ou mieux? Oui. Donc, oui, j'espère. Il y a, comme je disais, autour de l'atmosphère, la matière est dans l'état, à l'état de plasma. Et sa matière vient du soleil. Donc, il y a le vent solaire qui peut arriver jusqu'à la Terre. Et la Terre a un champ magnétique et à cause de ce champ magnétique, le plasma ne peut pas entrer dans l'atmosphère. Typiquement, le plasma du vent solaire va autour de la Terre mais n'entre pas. Ah, donc ce qu'on voit dans une aurore boréale, c'est le plasma qui est juste à l'extérieur de l'atmosphère, qui n'a pas réussi à rentrer dans... Non, non, ce qu'on voit pendant une aurore boréale, c'est la conséquence d'un phénomène particulier qui s'appelle reconnexion magnétique. Donc, pendant ce processus, il y a la possibilité que du plasma qui vient du vent solaire entre, peut arriver jusqu'à l'atmosphère. Donc, pendant une aurore boréale, le plasma a la possibilité d'arriver jusqu'à nous et on peut le voir pendant qu'il entre dans l'atmosphère. Ah, d'accord. Donc, c'est un phénomène, on peut dire exceptionnel. D'accord. Normalement, ça rentre pas dans l'atmosphère, mais dans les cas où ça arrive à rentrer dans l'atmosphère, ça donne des aurores boréales. C'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Alors ça, c'est bah voilà, c'est d'une part les plasmas naturels, mais il y a tout un certain nombre d'applications industrielles aussi pour les plasmas. Je sais pas si Alan, tu as deux, trois idées qui te passent par la tête. Moi, la première qui me soit passée par la tête quand on a commencé à parler de plasma, la seule qui me soit venue dans la tête à ce moment-là, évidemment, c'était les téléviseurs plasma. Oui. Mais c'est une application assez marginale des plasmas, de ce que j'ai compris, en fait. C'est le truc que le grand public connaît, mais en termes de Oui. recherche, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, non, ce n'est. Je pense que l'application la plus importante au niveau de recherche, mais aussi pour les implications qu'il aura pour l'humanité, c'est l'étude de la fusion, ou la fusion nucléaire, où les plasmas ont un rôle qui est important aussi. Donc, les projets scientifiques, je pense, les plus grands au monde, qui s'appellent ITER, est extrêmement lié à la physique du plasma. D'accord. Est-ce que donc toi tu travailles en fait beaucoup sur la fusion nucléaire, non? C'est ça? Oui. Et est-ce que tu pourrais parce qu'en fait il y a deux choses. On parle de fusion nucléaire, mais il existe aussi la fission nucléaire. Ça, c'est ce qu'on voit dans les centrales nucléaires habituelles qui génèrent de l'énergie, l'électricité, non? Mais Oui. c'est complètement différent comme processus, la fusion et la fission. Oui, je sais, les noms sont proches, c'est Proche, ouais, c'est pour un ça peu. Ouais, prête à ça aide pas. confusion. Oui, ça crée une confusion énorme. Donc, les deux sont des processus nucléaires. Donc, quand on dit processus nucléaire, ça se passe au niveau de l'atome, du noyau de l'atome. Du noyau de l'atome, exactement. Et avec tous les deux processus, on peut obtenir de l'énergie. Okay? Mais en deux façons qui sont très différentes. Dans la fission, on a un noyau lourd, très lourd, comme un noyau d'uranium, Ouais. qui va se diviser en deux parties plus petites et qui sont typiquement radioactifs. Donc, par exemple, on part du noyau d'uranium et on va terminer avec deux noyaux je ne sais pas, de fer, par D'accord. exemple. OK. Et ça, ce processus libre de l'énergie Ouais. qui est utilisé dans les réacteurs à fission nucléaire, utilisé pour produire l'électricité. La fusion est une chose très différente. La fusion nucléaire, c'est la réaction qu'on a dans le Soleil. Là. Donc, pendant une réaction de fusion nucléaire, on a deux noyaux. Ce sont typiquement des noyaux légers, l'hydrogène, l'hélium, donc des noyaux petits, qui vont se fuser ensemble et qui forment un noyau plus lourd. D'accord. Et pendant ce processus, on a aussi la production, une production D'énergie. d'énergie. Mais les produits de ces réactions ne sont pas radioactifs. Ah, donc ça a un gros avantage sur la fission nucléaire. Il n'y a pas de résidus radioactifs. On n'a pas de déchets radioactifs, exactement. Et il y a. Et Oui, Alan, tu voulais dire quelque chose? ouais, alors moi je voulais juste récapituler un peu pour être tout à fait certain. Donc, on a d'un côté la fission nucléaire, ça c'est ce qui est utilisé dans les centrales nucléaires aujourd'hui. Ça consiste à prendre un gros noyau, à le diviser en plusieurs petits, mais qui sont instables, donc radioactifs, donc on produit des déchets radioactifs, Oui. mais dans le processus, on produit énormément d'énergie. Oui. Et puis de l'autre côté, on a la fusion. Donc ça, c'est le processus qui est utilisé, enfin le processus utilisé, non, le processus qui existe dans le Soleil, par exemple. Oui. Et il s'agit de deux petits noyaux qui sont fusionnés en un seul. Donc là, Oui. pas de déchets radioactifs et une production d'énergie au même moment. Il y a Enfin. une production d'énergie qui est encore plus grande que pendant une réaction de fission. Ah. D'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'on fait de la fission et pas de la fusion nucléaire? Et parce que c'est beaucoup plus difficile de faire de la fusion plutôt que la fission. Et maintenant, on a la fusion seulement dans les bombes nucléaires, les bombes H. Ouais. Et D'accord. donc, on peut faire de la fusion, mais pas encore. On la peut pas faire pour obtenir de l'électricité. Pas au Pour niveau produire industriel. à niveau industriel, pour avoir une production d'énergie qui peut être utilisée pour produire l'électricité ou en façon utile. Mais une question, tu as dit que dans la fusion, il y avait deux atomes qui fusionnaient pour deux noyaux qui fusionnaient pour donner un nouveau noyau. Oui. Et ce nouveau noyau, typiquement, c'est un noyau de quel genre d'élément chimique qu'on obtient? Typiquement, on parle de hélium. D'hélium. D'accord. Donc, la réaction de fusion typique, c'est la réaction entre deux noyaux d'hydrogène Ouais. et ob pour obtenir un noyau d'hélium. D'accord, donc ça libère d'une part de l'énergie et ça donne de l'hélium. Oui, D'accord. exactement. Ok. Et finalement, où intervient le plasma dans la fusion nucléaire? Comment on lit le plasma avec ce processus de fusion nucléaire? Oui, la raison est la suivante. Quand les deux, si on a deux noyaux d'hydrogène, ils sont chargés positivement, les deux. Donc, il y a une force entre eux qui est répulsive, Ouais. qui tend à éloigner les deux. Ouais. Donc, il faut que ces deux noyaux deviennent proches au point qu'ils peuvent se fusionner. Ouais. Et il faut donc passer ces barrières de potentiel électrique qui est contraire à la fusion. Ouais. Donc il faut le réchauffer à une température énorme, de l'ordre on parle de 100 millions de degrés Celsius. 100 millions de degrés Celsius. Oui, Waouh, exactement. d'accord. Qui c'est de l'ordre de la température de la matière dans le Soleil. Donc, il faut le réchauffer et il faut que ces noyaux comme ça, les deux noyaux peuvent s'approcher et peuvent se fusionner aussi. Et donc, c'est quand on obtient un état de plasma que les deux noyaux peuvent effectuer la fusion, en fait. C'est l'état de Oui, plasma qui exactement. permet la fusion. Exactement. Il faut les réchauffer à une température haute, assez haute pour avoir la fusion. Et à cette température-là, la matière est à l'état de plasma. D'accord. Ouais. Alors, je commence à comprendre pourquoi c'est compliqué. Oui. On peut utiliser quoi comme récipient pour faire monter quelque chose dedans à 100 millions de degrés? Exactement, c'est le problème. Donc, on peut avoir la matière, on peut la réchauffer à des températures très grandes, mais pour avoir quelque chose de stable, que c'est possible d'utiliser, il faut la confiner aussi. Et ce n'est pas facile de trouver quelque chose qui peut confiner la matière à 100 millions de degrés. Il y a des idées. La plus intéressante, je pense, c'est d'utiliser des champs magnétiques pour confiner. D'accord. D'accord. Donc c'est pas de la matière finalement, c'est pas quelque chose, c'est pas un truc palpable qui doit résister à 100 millions de degrés, ce sera un champ magnétique qui va isoler, va confiner en fait, Oui, c'est ça, ouais. exactement. Confiner le Exactement. plasma du reste du monde. Oui, parce que comme j'avais dit, quand on a un plasma, on a des charges électriques, on a des ions, des électrons. Donc, les charges électriques sont sujets au champ magnétique. Et un champ magnétique est capable de confiner les particules. Et donc, on peut imaginer d'avoir quelque chose comme confine ces plasmas, ces matières à ces températures très élevées. D'accord. Tu nous avais parlé que tu travaillais sur un projet qui s'appelle ITER. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Donc, ITER, c'est la grande chose, je pense, dans la fusion. C'est le grand projet, c'est l'idée de montrer que c'est faisable d'utiliser la fusion pour produire de l'énergie électrique. Donc, D'accord, au niveau industriel, pour que ça arrive dans nos maisons et qu'on puisse l'utiliser normalement. exactement. Donc, ITER ne produira pas de l'énergie, mais montrera La qu'il va faisabilité. de le faire. D'accord. Oui. Après ITER, on aura une autre expérience qui sera appelée DEMO, et ce sera un réacteur démonstratif. Donc, ITER sera le premier pas vers un réacteur à fusion commercial. D'accord. Et en fait, ça se passe comment? Parce que ce projet, il se trouve dans le sud de la France, non? Oui, à Cadarache, proche d'Aix-en-Provence. Et en fait, il y a un appât. Enfin, vous construisez. Qu'est-ce que vous construisez exactement sur ce site? Qu'est-ce que vous. Parce que, ok, vous allez montrer la faisabilité de la fusion nucléaire au niveau industriel, mais ça consiste en quoi? Vous allez avoir des appareils. Comme tu nous as dit avant, avec des champs magnétiques, vous allez essayer d'isoler le plasma ou comment ça se passe? Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va construire des aimants, on peut dire, qui est capable de générer un champ magnétique avec lequel on peut confiner le plasma à des températures et à une densité assez suffisante pour créer. Ah, on a une petite perte là. Donc, ça veut dire qu'on aura tous un système de réchauffement de plasma parce le plasma à une température très élevée. Il faut le confiner, donc il y aura toutes les infrastructures pour le confiner. Il y aura tous une infrastructure pour gérer le plasma, je veux dire, pour contrôler, pour enlever les produits de la fusion et injecter le combustible nouveau. L'idée, c'est avec ITER d'obtenir une quantité d'énergie qui est 10 fois plus grande que la quantité d'énergie qui est injectée La quantité dans, d'énergie qu'on a besoin pour faire, pour réchauffer le plasma. D'accord. Donc l'idée, c'est d'obtenir 10 fois plus d'énergie que celle dont on a besoin pour chauffer le plasma. Oui. Et puis j'imagine qu'il en faut pas mal pour faire chauffer quelque chose à 100 Et... millions de degrés. Donc on attend beaucoup d'énergie à l'autre bout du processus. Oui, exactement. Donc la taille, on aura la production de plus ou moins 500 mégawatts, qui c'est une taille raisonnable pour une centrale électrique. D'accord. Ok, et puis là, le projet, on est où en somme? Où on est? Ok, la construction d'ITER a commencé en 2007. Et 2007. l'idée, Ça fait le 30 ans que le premier, projet oui, c'est exactement. Et l'idée, c'est d'avoir les premiers plasmas en 2019. Oula. Ah donc D'accord, ouais, c'est oui. un long projet. Oui, c'est un long projet, mais c'est un très grand projet. C'est aussi très extrêmement compliqué. Et OK, donc on aura le plasma 2019 et puis on va perfectionner le plasma. On pense que on aura la on utilisera ITER pour 10, 15 ans, quelque chose comme ça. Et après ça, ou peut-être pendant, on commencera à construire aussi des mots, donc les réacteurs démonstratifs. D'accord. Qui sera sur le même site? On a, oui, c'est l'idée, c'est que demain sera au Japon, mais on parle aussi d'avoir plusieurs démons. Donc, ce n'est pas encore décidé, mais quand, bien sûr, pour décider d'avoir ITER sur le territoire français, on a eu beaucoup de contractations. Et à la fin des contractations, l'idée était que demain va être construit au Japon. D'accord, c'est trop compliqué de travailler en France. Oui. Non, oui, bien sûr. Tout le monde voulait avoir ITER sur son territoire parce que ça veut dire beaucoup d'argent qui arrive, beaucoup de. Et on apprend beaucoup si on a l'expérience sur le territoire. On peut contrôler bien sûr mieux qu'est-ce qui se passe. Donc tu dis que environ c'est prévu pour 2019 d'obtenir les premiers plasmas. Ça Oui. veut dire que c'est plus ou moins 2019-2020 qu'on va pouvoir réellement se rendre compte de la faisabilité de la fusion nucléaire, non? Donc d'ici une dizaine d'années, en gros. Je pense, bien sûr, ce ne sera pas le premier plasma qui Ouais, bien sûr. donnera la réponse, mais on peut parler de 10 ans après le D'accord. premier plasma qui sera on aura vraiment l'idée de la faisabilité. Mais donc, à obtenir, enfin, utiliser de la fusion nucléaire au niveau industriel, on a encore plusieurs dizaines d'années devant nous avant que ce soit une réalité. Oui, exactement. Donc, je pense qu'il faut penser 30 ans. Une trentaine d'années, d'accord. Une trentaine d'années, oui, c'était l'échelle. Peut-être que ça semble très long, mais il faut penser que toutes les grandes révolutions dans l'énergie ont pris beaucoup de temps. Ouais. Mais est-ce que c'est une énergie finalement complètement propre, la fusion nucléaire, ou il y a quand même un certain niveau, je sais pas, une sorte de déchet ou quelque chose qui cause problème? Oui, c'est propre, je pense, c'est clair, Définitivement propre. définitivement propre. Oui, donc on n'a pas la production de déchets nucléaires. C'est Il y a une production, mais c'est des déchets qui ont une vie très, très radioactive courte. très, très courte. Donc, ça ne donne pas de problème. Ça. Et tu avais dit qu'on partait, à, on, comment, on, en fait, la fusion s'effectuait à partir au départ habituellement de deux noyaux d'hydrogène, c'était ça? D'hydrogène, oui. Donc l'hydrogène, Et pour. on l'a à profusion finalement. Exactement. Pour être plus précis, pour avoir la réaction de fusion la plus facile, la plus faisable, il faut partir de deutérium, qui est un type d'hydrogène. Et il se trouve dans l'eau. Donc, c'est vraiment. Il n'y a pas de problème pour le trouver. Bon, on a Et aussi puis. moins en moins d'eau sur la planète aussi. Oui, exactement. Et il faut aussi partir du lithium. De lithium. Lithium, c'est un matériel qui est aussi très commun. Parce qu'on aura besoin vraiment d'une quantité très petite pour produire. Ah, des quantités très petites sont suffisantes pour produire des... Oui, très petite. Et aussi, par exemple, l'avantage d'une centrale nucléaire à fusion nucléaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'une extension très grande des territoires. Ah. Donc, par exemple, l'énergie solaire, on a besoin d'un territoire très grand. C'est aussi une énergie qui est stable. Donc, ce n'est pas comme le vent qui, s'il n'y a pas de vent, Les éoliennes ne fonctionnent pas. oui, ne fonctionne pas. Ou aussi le soleil, pendant la nuit, c'est difficile Donc on peut d'allumer la l'avoir à lumière. la demande, en fin de À compte. la demande, exactement. Exactement. Donc, bien sûr, c'est un projet, c'est extrêmement difficile d'obtenir, mais c'est bien sûr une énergie très propre, définitivement propre. Ok. Et avec la possibilité d'avoir le combustible très facilement. Oui, il y a quand même une question qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette température de 100 millions de degrés? On fait brûler quoi? Enfin, Oui. comment c'est possible? Oui, on utilise des ondes électromagnétiques. On peut penser à la chose qui se passe dans les four à micro-ondes. D'accord. C'est En fait, la. on agite les atomes avec des ondes électromagnétiques, c'est ça ou mieux? Exactement, exactement. Oui, on agite Et ça. les Et atomes, puis. plus ils bougent, plus ils vont vite, plus la température s'élève. Exactement. C'était la première façon. La deuxième façon, c'est quand on a un courant qui passe dans un conducteur. Et ça chauffe, réchauffe un Ouais. peu. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un courant qui passe dans le plasma et ça va réchauffer. D'accord, mais le câble, il est en quelle manière pour tenir de telles Et donc, températures? il faut. Oui, non, non, le conducteur, c'est le plasma. Ah, c'est le plasma lui-même, d'accord, Oui, ouais, d'accord. oui, oui. Donc, on va induire un courant dans le Ah ouais, plasma. parce que le plasma lui-même est conducteur, donc on peut... Oui, il Ouais, est forcément. conducteur. Oui, le problème de ces façons de réchauffer le plasma, c'est que le plasma est un conducteur qui est un très bon conducteur. Et donc, les conducteurs qui ne sont pas bons se réchauffent beaucoup plus que les bons conducteurs. C'était la Oui, raison. y a C'est moins de logique. pertes, il y a moins de pertes dans Oui, les bons exactement. conducteurs. Ouais, donc ils se Oui. réchauffent moins, ouais, effectivement. Oui. D'accord. J'ai vu aussi qu'on peut injecter des particules accélérées. Donc on Oui. utiliserait un accélérateur de particules comme ce qu'on a au CERN, en fait. Non, Ah. oui, c'est un peu différent. C'était la troisième voie de réchauffer le plasma. Et on peut accélérer, on peut réchauffer des particules à manière avec quelque chose d'autre, et puis on va l'injecter. Mais le problème, c'est que c'est possible d'accélérer des particules qui ont une charge électrique, avec une charge électrique, par exemple. Mais quand une particule entre dans le plasma, dans l'éther, par exemple, il va être confiné tout de suite par le champ magnétique. Donc, il ne peut pas pénétrer là-dedans, à l'intérieur du plasma où on veut vraiment voir la température la plus élevée. Et donc, il faut. L'idée, c'est d'avoir des particules neutres, des atomes qui ont une température très élevée et qui peuvent pénétrer dans le plasma et arriver au centre de la machine où on veut avoir la température la plus élevée. Ce n'est pas simple d'accélérer des particules. Non. Mais concrètement, dans ce projet d'ITER, vous allez utiliser des aimants, donc des ondes électromagnétiques pour chauffer. Oui, on utilisera les trois façons de Ah, les trois réchauffer. façons. Oui, D'accord. ah, d'accord. Et l'appareil qui s'appelle tokamak, qui se construit justement dans le cadre du projet d'ITER, c'est justement c'est l'appareil qui va servir à chauffer le plasma, mais... Le confiner, à le oui. confiner. À le confiner. C'est la machine la plus prometteuse, je pense, pour maintenant, au moins. Pour confiner le plasma. Il y a beaucoup de tokamaks dans le monde. Ah oui? Oui, les plus grands sont en Angleterre, proche près de Oxford, et il s'appelle JET, Joint European Torus. Mais on a aussi un tokamak qui est ici, à Lausanne, au Centre de physique des plasmas. Il Et un s'appelle. tokamak à Lausanne, waouh! Mais il aura quelque chose de différent, celui du sud de la France. Il sera plus puissant, il sera Ce sera très, très grand, très très beaucoup grand. plus grand des tokamaks qui Qui existent existe maintenant. actuellement, d'accord. Oui. L'idée, c'est qu'on veut diminuer les pertes d'énergie. Et donc, le plus grand un tokamak, plus le plasma, le volume du plasma est grand, et plus le rapport entre la surface et le volume devient petit. On peut imaginer une Ah sphère. ouais. Et la surface d'une sphère est proportionnelle au rayon carré. Et le volume est proportionnel au rayon à la troisième Puissance 3 au cube, ouais. puissance 3. Oui, exactement. Et donc, le rapport entre la surface et le volume est plus petit pour des rayons qui sont plus grands. Donc on n'a plus le plasma à un grand volume, finalement, plus le rapport avec la surface est petite, donc plus les pertes sont faibles, sont plus petites en fait. Exactement, exactement. D'accord. Donc le but, c'est d'avoir le plus gros tokamak possible, en Oui, résumé. oui, oui. D'où le projet international, en fait. Il y a beaucoup de monde qui y participe. Oui, la moitié de l'humanité. D'accord, ouais. Ça fait Oui, beaucoup de monde. donc c'est beaucoup de monde. Oui, l'Europe, les États-Unis, Japon, l'Indie, la Chine, la Corée, la Russie. Oui. Il y a beaucoup de pays. Et c'est financé par qui? Et c'est financé par tous les pays qui font Du partie projet. de projets. Oui, D'accord. en façon un peu différente. L'ITER est sur le territoire européen, donc l'Europe va payer la partie la plus grande. D'accord. Ouais. Et puis l'EPFL joue un rôle particulier dans ce projet? Oui. L'EPFL participe à la construction et à l'exploitation des terres parce qu'il fait partie c'est un consortium qui fait partie d'une association, on peut dire, qui fait partie de l'Euratom. Donc, la participation de l'EPFL est dans le cadre de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on fait au CRPP? On produit des parties des terres. Par exemple, une partie pour réchauffer avec des ondes électromagnétiques les plasmas dans les terres sera produit à l'EPFL. On fait des études, théoriques et expérimentales, pour voir qu'est-ce qu'il se passe dans ITER. Et à l'EPFL, vous êtes combien à travailler sur ce projet, plus ou Oui, moins? donc les labos, c'est très grand. C'est 150 personnes. 150, d'accord. 150. Et à travers le monde, c'est plusieurs milliers. Oui. D'accord. Et puis ça se passe bien, la collaboration? Vous arrivez à tous vous comprendre entre vous? Je sais pas, on utilise les mêmes unités de mesure, par exemple, d'un bout à l'autre du monde. Les pièces sont compatibles. Oui, on va essayer bien sûr de faire ça. Oui, c'est très important parce que c'est une machine très compliquée, donc tout doit être compatible et il y aura des parties qui sont produites en Chine, des autres aux États-Unis. Il faut que toutes les parties arrivent à Cadarache et quand sont mises ensemble, tout doit jouer très bien. Donc. Ça va être un sacré suspense ce jour-là. Oui, bien sûr. Mais c'est important parce que tous les pays ont la possibilité de construire en partie des terres. Comme ça, tous les pays auront la connaissance pour construire, bâtir un réacteur à fusion seul. Ouais. Donc l'idée, c'est que c'est une connaissance qui est partagée entre Entre tout le monde, global. ouais, effectivement, c'est vrai qu'on peut imaginer les intérêts en jeu, ça doit juste être énorme. Oui. Et si. Forcément, ouais, si c'est l'énergie du futur. C'est ça, si la sauce prend, finalement chacun voudra être capable d'être parfaitement autonome dans sa propre construction Exactement. de centrale à fusion. Bien sûr, ça va Mais changer la géographie économique du monde. géopolitique, ouais. Oui. Ça veut dire que vous passez pas mal de temps, j'imagine, à communiquer sur le projet plutôt qu'à bosser véritablement, non? Non, je pense tous les deux. On travaille C'est vrai, beaucoup. c'est possible d'avancer quand même tranquillement, même dans ce contexte-là. Bon, je pense que chaque équipe a aussi un peu son rôle à jouer. Donc chaque équipe est quand même cer d'une certaine manière pas mal autonome, j'imagine, quand même pour. Oui, exactement. Mais par exemple, je fais de la théorie. Donc, je n'ai participe pas directement à la construction des terres. Je fais tourner des simulations de la dynamique du plasma. Et c'est un travail indépendant qui peut-être aura des implications, mais donc ce n'est pas qu'on pense seulement à bâtir la machine. D'accord. Parce qu'on parle vraiment que c'est une des expériences qui reste, qui risque d'être les plus importantes pour l'humanité, hein, carrément, Oui, ce projet oui. ITER. C'est vraiment cette source d'énergie, bah, c'est le gros problème actuellement, et ça risque de résoudre tous nos problèmes énergétiques. Oui, par exemple, si le réchauffement climatique, ça va être résolu par la fusion nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la production de gaz Ah, tu parles des à gaz à effet effet de serre et de tout ça. serre. Ouais, bien Oui, sûr, ouais. oui, oui. D'accord. Je pense qu'il y a urgence d'avoir une énergie Mais propre c'est bizarre pour. parce qu'on n'en entend pas du tout parler dans les médias de la fusion nucléaire. Quand il y a des débats énergétiques, il y a les écologistes qui ont des propositions, il y a les partisans de la fission nucléaire, mais le thème de la fusion nucléaire, bon, on a dit que c'est d'ici 30 ans, on verra peut-être rien encore de concret, mais quand même, on n'en parle pas du tout, j'ai l'impression, non? Oui, il faudra qu'on parle de plus. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que maintenant, c'est encore au niveau de recherche. Ouais. Mais je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut explorer cette énergie parce que si ça marche, ouais, c'est important. Ça Si ça va. résoudra tous les problèmes énergétiques. Oui, Ouais. exactement. Exactement. Et puis, est-ce qu'il y a des applications dans d'autres domaines, comme le domaine du transport, par exemple, d'autres applications du Oui, plasma? il y a. Ce sont peut-être des choses moins importantes en général, mais bien sûr, avec un plasma, c'est possible d'accélérer. Ce sont des particules chargées électriquement, donc c'est possible d'accélérer les particules à des vitesses très élevées. Ce sont des vitesses encore plus hautes que l'accélération qu'on peut donner avec la combustion. Et donc, on peut penser avec cette accélération de fournir la propulsion à les fusées, par exemple, ou aux satellites. D'accord. Donc, oui, bien sûr, oui, il y a des applications qui sont intéressantes aussi. Et juste pour revenir au téléviseur, au plasma, le plasma, il intervient comment dans le téléviseur finalement? Parce que on a vu qu'il fallait des très hautes températures, Oui. mais un téléviseur, Oui, il paraît qu'il chauffe les écrans à plasma. Oui. Non, il y a toujours le problème de la différence entre la température et les flux de la chaleur. D'accord. Ouais, Donc, non. on revient à ce que tu nous avais expliqué au début, ouais. Oui. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, l'ampoule à néon, c'est un plasma. OK. Donc, J'ai pas compris, je crois qu'il y a eu une petite coupure. Le tube à néon, c'est du plasma? oui, Ah bon? c'est un plasma. D'accord. Oui, donc l'idée c'est de mettre beaucoup de ces Tube à néon, lampes plusieurs. de plusieurs tous ensemble, et comme ça on peut avoir un écran au plasma si on est capable de les contrôler. D'accord. Oui. Ouais, donc faut bien OK. différencier la température et les flux de chaleur. C'est Oui. un flux de chaleur, si j'ai bien compris, ne transmet pas forcément une température élevée comme on peut en avoir l'impression, c'est ça? Oui, exactement. Le flux de la chaleur est lié aussi à la densité. Ouais, comme on l'a dit avant, à la charge électrique, au numéro de particules chargées électriquement. Oui, oui, exactement. Donc c'est un équilibre entre les deux, en fait, qu'il faut trouver. Oui, on peut dire comme ça. Oui. Ok. Professeur Fon, quelque chose d'autre? Non, ben moi je suis juste fasciné par tout ça. C'est un sujet dont j'ignorais tout il y a encore 15 jours. Et puis là, c'est vraiment un pan entier de l'univers qui s'ouvre à moi. Je trouve ça extraordinaire. Oui, oui, Vraiment oui. génial. Peut-être. Je pense qu'étudier les plasmas, c'est très fascinant parce que Il y a des applications qui sont très importantes. Oui, on a parlé d'Iter, mais aussi étudier pour comprendre l'univers, la dynamique des étoiles, etc. Il faut comprendre et la dynamique du Oui, plasma. parce qu'on avait dit avant que le 99% de la matière dans l'univers est finalement constituée de plasma. Oui, Donc, oui. c'est important de comprendre effectivement comment fonctionne le plasma pour comprendre comment fonctionnent tous les astres et tous les corps qui sont constitués de Oui, plasma. oui. Ouais. Peut-être pour terminer, on a un auditeur, un nouvel auditeur qui s'appelle Pedro, qui nous a demandé si tu pouvais juste dire très simplement peut-être deux mots sur... ce qu'on appelle le MHD, magnéto-hydrodynamique, si tu sais ce que c'est. Oui. Donc, c'est le modèle le plus simple pour décrire un plasma. Dans ce modèle-ci, on utilise des équations qui sont presque, on peut dire presque les mêmes des équations qu'on utilise pour décrire la dynamique des fluides. D'accord. Donc, un plasma est décrit comme un fluide. Donc un fluide, on parle, les liquides et les gaz sont considérés comme des Liquide, fluides. oui. D'accord. Oui, exactement. Et, mais, tenant, on considère considérant aussi la présence des champs électriques et magnétiques. D'accord. Donc on essaye de représenter le comportement du plasma de la même manière que les fluides, mais en ajoutant une composante électromagnétique dans le modèle. C'est ça? Exactement, exactement, oui. D'accord. Ok, puis ça c'est un peu le modèle pour débutants, de ce que je comprends. C'est pas ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours quand on fait des recherches sur le plasma, si? Oui. Mais il y a beaucoup de phénomènes, peut-être les plus importants qui peuvent être décrits par un modèle MHD. D'accord. Très bien. Ben, on a fait à peu près le tour, je crois, non? Allô? Oui. Ah, je vous ai perdu, je vous ai perdu. On est désolé parce qu'on a... Bon, je me suis rendu compte, là, déjà dans cette émission, on a une ou deux petites coupures, j'ai eu l'impression, et surtout, ben, on devait faire cette émission jeudi passé, j'ai oublié de le dire au début, et les communications avec Skype, je sais pas ce qui se passait, c'était impossible, donc on a reporté aujourd'hui, et on a toujours deux, trois petites coupures, ce qui est un peu gênant. On ne sait pas tellement quoi faire parce que ça dépend pas trop de nous, ça a l'air d'être le réseau, mais bon. Vous êtes toujours là? Oui, Oui, moi je suis d'accord. là. On est un peu traumatisés, c'est vrai que jeudi dernier c'était une expérience si pénible que là on tremble à l'idée que ça puisse de nouveau s'interrompre. Mais non, mais je crois que c'était pas mal, il y a eu quelques petites coupures, mais enfin c'est tout à fait supportable quoi, la qualité. Ouais, Je globalement, pense qu'elle sera correcte. c'était intéressant, ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, c'était vraiment fascinant de pouvoir entrer dans cet univers des plasmas. Paolo, vraiment merci infiniment. Je vais peut-être. Je vous en prie. Avant, oui, avant de nous quitter, bon, on mettra de toute manière les liens sur le site de Podcast Science, mais tu nous avais donné deux liens. Il y a plasmas.org qui nous Oui. explique un peu fondamentalement comment les basiques de comment fonctionne le plasma, et le site du projet ITER, ITER.org. Donc, pour ceux qui Oui. veulent avoir plus d'informations sur les plasmas, c'est sur ces sites-là. Oui. Mais merci beaucoup. Alors ouais, c'était vraiment super. On a découvert plein de choses. Je vous en prie. Professeur Fon, avant de se quitter. Moi, rien, mais toi, j'espère que tu as une quote. Ouais, j'ai une côte, On va pas se quitter comme ça. un poil tordu. Bon, vu qu'on a un professeur de physique, je pense qu'il va l'appréhender plus assez facilement, on va dire. Mais bon, elle est un petit peu tordue, hein. Bon. Donc en fait c'est anonyme, je sais pas, j'ai trouvé ça une fois sur un site, je sais pas qui l'a dit, mais c'est comme ça. Pour comprendre la récursivité, il faut d'abord comprendre la récursivité. Ok, ouais, encore une bien geek, j'aime bien. Donc voilà, ça va vous faire travailler un peu l'esprit durant la semaine. Donc voilà pour ce podcast finalement, non? Bah, je pense, ouais, alors peut-être encore juste quelques petites nouvelles de la suite des opérations. Mathieu, est-ce que tu es avec nous ces 15 prochains jours ou pas? Alors non, je pars demain. Je pars demain dans l'hémisphère sud, en Argentine. Donc je serai loin jusqu'à la fin de l'année. Et par contre, on va quand même essayer pour la prochaine émission ce jeudi de faire un podcast transcontinental. Je vais essayer de pouvoir me connecter. Donc ça risque d'être sympa, non? Ah, ça serait assez génial quand même, effectivement. Ouais. Si on arrive à se parler pendant que tu as la tête en bas, ce sera l'été là. Enfin, non, c'est encore pas l'hiver ici, du coup, c'est pas l'été là-bas. Ouais, quand Ce sera même, c'est le la début de fin du l'été. printemps. Je vais au chaud, on va dire, quand même. Ouais, t'es dur là. Donc, Bon, on croise les doigts pour que Skype fonctionne bien d'un continent à l'autre la semaine prochaine. bah ouais, on verra si ça marche mieux qu'en Europe, quoi. Peut-être. Non. Ah, qui sait? Parfois des bonnes surprises. Et puis donc, on en reste là pour cette semaine. Ok, parfait. Paolo, Oui. encore un immense merci. C'était Oui, vraiment merci. extraordinaire, un privilège de Merci t'avoir vous. avec nous cette semaine. Et ouais, j'espère pouvoir voir un jour, en fait, pouvoir allumer ma lumière depuis chez moi un jour et me dire, ah ben ça, c'est la fusion nucléaire, il y a 20, Oui. 30 ans, on avait parlé de ça avec Paolo. Oui, on espère. Tout le monde. Oui, ça. Me réjouis beaucoup de ces moments-là aussi. Ok, très Ok. bien. Ben, à bientôt tout le monde. J'espère quand même vous avoir la semaine prochaine. Et merci Paolo et au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, bonne semaine. Allez, ciao, Au ciao. revoir.